L'actualité à Nancy et ailleurs. La Filoche, située à Chaligny, entame un nouveau cycle culturel. Machin, machine, ça commence le 1er février. Martin, Thierry, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de communication pour la communauté de communes Moselle et Madon. Alors derrière ce thème machin, machine, se cache un programme riche en expositions, cinéma, ateliers, musique, théâtre et même avec des résidences d'artistes. Alors on ne va pas s'ennuyer dans les mois qui viennent. Non, tout à fait, on va pas s'ennuyer, on va réfléchir un petit peu. C'est vrai que les machines sont omniprésentes aujourd'hui dans nos vies, mais quel est notre rapport à ces machines? Est-ce que parfois la machine prend le pas sur l'homme? On aura effectivement 3 mois de programmation pour se poser des questions, y répondre, jouer, s'amuser, regarder des films. Donc voilà, il y en aura pour tous, pour les petits comme pour les grands. Oui, parce qu'à chaque fois dans les cycles que vous proposez, il y a toujours cette réflexion derrière parfois des animations très légères autour des jeux vidéo ou du théâtre, mais le thème, il a vraiment un sens. Oui, le thème tout à fait a un sens. On cherche à chaque fois à trouver quelque chose, des thèmes en lien avec notre vie quotidienne. Et là, en l'occurrence, la robotique, la mécanique, les automates, l'électronique sont au cœur de nos vies. Et donc, on relie à chaque fois avec de nouvelles technologies qui nous permettent aussi de proposer des ateliers ou des jeux. Le lancement, ce sera le 4 février avec une soirée familiale. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce qui va se passer lors de cette soirée? Alors, lors de cette soirée, donc, vous pourrez déjà profiter dans le hall des différentes expositions qui resteront d'ailleurs tout le cycle, hein, donc du 1er février au 23 avril. Il y aura aussi notre espace ludothèque qui sera ouvert en continu pour une soirée de jeux. Et après, il y aura un parcours, en fait, composé pour une partie de lecture proposée par les animateurs de la médiathèque. Puis ensuite, un petit spectacle, le ballet des architectes de la compagnie rue de la Casse, où là encore, il y aura cette réflexion autour de la relation entre l'homme et la machine. Donc une soirée vraiment à vivre en famille, c'est aussi ce principe sur toute la durée, donc jusqu'au 23 avril, petits et grands peuvent participer et s'investir dans ce cycle. Oui, bien sûr. Alors, il y a en plus des cycles qui permettent d'avoir des animations parents-enfants. On a par exemple un atelier écriture et mise en scène avec un petit robot de programmation. Là, c'est à partir de 7 ans, mais c'est vrai que ça fonctionne en duo parents-enfants, donc ça permet aussi de tisser des liens autour de ces activités. On a aussi tout au long du cycle d'autres ateliers comme ça, des ateliers par exemple de cartes mécaniques ou bien même voilà l'accompagnement par exemple dans nos goûters philo, nos petites réflexions pour les enfants à partir de 6 ans. Les parents sont aussi éventuellement invités à venir partager ce temps avec leurs enfants. Ces cycles que vous proposez depuis de nombreuses années maintenant, à trouver son public? Le public est au rendez-vous, quels que soient les thèmes ou les activités proposées. Alors, comme en plus, on a des espaces, la ludothèque, ceux qui aiment les jeux de société viennent à nos soirées à thème pour jouer, par exemple, à des jeux de rôle. Ceux qui sont plutôt geeks ont des rendez-vous aussi qui leur sont dédiés, des moments de gaming, par exemple, des jeux, des ateliers de réalité virtuelle. Ceux qui sont moins familiers aussi de l'informatique, eux, peuvent participer à des ateliers, justement, pour les sensibiliser à ces questions. Et puis, on a tout un tas de spectacles, de séances de lecture, d'échanges. Donc vraiment, tout le monde peut venir à la Filoche y trouver midi à sa porte. Et pour faire vivre justement la Filoche, vous appuyez sur des animateurs, mais aussi des bénévoles? Oui, on a des bénévoles, alors qui sont eux plutôt dans nos antennes, puisqu'on fonctionne par réseau de médiathèques. Mmh. Et c'est eux qui, effectivement, tiennent ces médiathèques-là et proposent aussi des temps d'activité. Des heures, des histoires, par exemple, nos rendez-vous, ils sont là, ils tiennent la médiathèque, ils la maintiennent ouverte, et c'est grâce à eux aussi qu'on peut proposer ces animations hors les murs, comme on les appelle chez nous. Alors, on invite les auditeurs à se rendre sur le site de La Filoche, c'est www.la-filoche.fr pour découvrir toute la diversité des animations que vous allez proposer, notamment avec ce cycle, Machin, Machine, mais il y a aussi d'autres animations en dehors de ce cycle qui continuent. Oui, on a toujours d'autres animations en dehors du cycle. Alors après, on en a aussi autour, mais c'est vrai qu'il y a par exemple des résidences d'artistes, on a des concerts, on continue à La Filoche de toute manière, en dehors du cycle à proprement parler, à proposer un tas d'activités ou d'ateliers. Et en me promenant sur le site de La Filoche, justement, j'ai vu que vous prépariez déjà le prochain cycle avec un appel pour une exposition photo. Tout à fait, parce que le prochain thème sera consacré à une ressource très importante qu'est l'eau, et on lance un appel à tous les photographes en herbe ou confirmés pour une petite expo. C'est vrai que sur le territoire de Moselle et Madon, il y a la Moselle, le Madon, l'étang de Messin, il y a cette ressource, c'est l'eau, et c'est vrai que ça peut, c'est sympa que les gens participent justement eux-mêmes à une exposition en proposant leurs photos autour de ce thème. Bien, on retrouve tout ça bien sûr sur le site. Je redonne l'adresse, c'est www.la-filoche.fr. Ces animations, elles sont ouvertes à tout le monde ? Oui. Les animations sont ouvertes à tout le monde, en fonction après de l'âge. Hein, il y a des publics parfois un peu... Voilà, pour certaines activités, on ne peut pas mettre les plus jeunes ou les trop jeunes enfants dessus, mais sinon, la plupart des activités sont ouvertes au plus grand nombre. Avec une inscription nécessaire ? Oui, nécessaire de réserver. Merci beaucoup, Martin Thierry. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.